plus, elle t'a appelé. Viens voir. Non, viens voir. Elle va faire un son et on s'appelle Karma. Non, j'en ai marre. Si tu me quittes, ça veut dire que t'as mort. Arrête, arrête, j'en ai marre. J'en ai marre de ta musique, ça marche pas. Toi-même, ça marche pas. Comment ça, ça marche pas? Arrête. Tu sais, quand t'appuies sur play, ça marche. Vas-y, viens, écoute, viens, écoute, ça marche. Oh non, non, tu as tout cassé en plus déjà. Tu vas où là? T'as jamais cru quand on t'a dit que la route tourne. Là tu reviens à la niche comme un toutou. Où tu vas, on te parle de moi, je suis partout. Ce qui se passe dans ta vie, j'en ai plus rien à foutre. Y'a plus rien à faire. T'envoies des snaps mais j'ai pas ouvert. Y'a plus rien à faire. T'as passé ton tour donc lâche l'affaire. Apparemment t'as déjà oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Ah, c'est de ta faute si je t'ai oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Ah, bouge de là, t'es déjà passé. Raconte pas ta vie, j'ai plus ton temps. Bouge de là, t'es déjà passé. Raconte pas ta vie, j'ai plus ton temps. Moi là je suis peinard, toi c'est pareil qu'au départ. C'est toi qui m'as guéri là, maintenant tu veux me revoir. C'est pas que je peux pas, c'est juste que je ne veux pas. Merci de prendre mes nouvelles, t'as toujours été sympa. Va voir ailleurs s'il y en a un autre. On se remet ensemble seulement si par la fenêtre tu sautes. Faut que tu te barres, j'ai pas assez de place pour te mettre sur le côté. Et me prends pas la tête ma chérie, c'est toi qui a fauté. Y'a plus rien à faire. T'envoies des snaps mais j'ai pas couvert. Y'a plus rien à faire. T'as passé ton tour donc lâche l'affaire. Apparemment t'as déjà oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Ah, c'est de ta faute si je t'ai oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Ah, bouge de là, t'es déjà passé. Raconte pas ta vie, j'ai plus ton temps. Bouge de là, t'es déjà passé. Raconte pas ta vie, j'ai plus ton temps. C'est pas que je suis sans pitié, mais t'as eu ce que tu voulais. J'aurais pu tout te donner avant de te défiler. C'est pas que je suis sans pitié, mais t'as eu ce que tu voulais. J'aurais pu tout te donner avant de te défiler. Apparemment t'as déjà oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Ah, c'est de ta faute si je t'ai oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Ah, bouge de là, t'es déjà passé.